Chapitre 19e, le récit du héros. Paulin Branquet se réveilla tard dans l'après-midi. Il avait dormi toute la journée. « Vous sentez-vous un peu mieux ?» lui demanda Robert, arrivé depuis un moment. Le docteur avait donné 7 heures pour que l'autotaxi de Paulin Branquet vînt le chercher. L'auto devait se trouver près de l'opéra. En sortant de son cabinet de la rue des Mathurins, Robert passerait par là. Il monterait dans l'auto et se laisserait emporter. À la demande du docteur, Paulin Branquet répondit « Oui, docteur, je me sens beaucoup mieux. Sauf les bras, tout va bien. Souffrez-vous beaucoup ?»« Pouah, vous vous en doutez, ça chatouille désagréablement. » Robert prit la température du malade, se montra satisfait, permit qu'on lui donnât à manger et dit qu'il voulait laisser encore quelques heures le pansement, mais qu'il reviendrait dans la soirée le rétablir pour la nuit. Le docteur donna l'heure où il pourrait revenir, fixa rendez-vous avec l'agent de Paulin Branquet qui devait le prendre avec l'autotaxi et sortira. « Mon frère Raoul, dit-il au détective, à qui je vais apprendre la fâcheuse aventure, voudra certainement vous présenter ses souhaits de prompt rétablissement. « Merci, docteur. Je suis touché de l'intérêt que me témoigne Maître Montreuil. Mon frère voudrait vous voir et serait heureux si je pouvais l'amener ce soir. Mais facilement, docteur. » Paulin Branquet fit venir son agent, lui donna quelques nouvelles instructions pour pouvoir prendre les 2 frères et les amener chez lui sans qu'on le sût. « Tu surveilleras surtout les alentours de la rue Chagrin, et tu verras aussi si personne ne sort de l'hôtel après ces messieurs, tu comprends ?»« Oui, chef. » Robert, intrigué, demanda au détective « Que supposez-vous, cher ami ? Que chez nous se trouve un espion, un affilié aux aides, quelqu'un qui nous trahit ?»« Je ne suppose rien, docteur. Ma méthode est de ne marcher que sur des faits palpables, et non de m'avancer dans le vide des suppositions et des hypothèses. Mais il est un fait certain, c'est que le soir où vous avez voulu forcer le coffre de Maître Béjanet, précisément ce soir-là, on vous a devancé. Il est certain que le poignard marqué à votre chiffre qu'on a trouvé près du veilleur blessé et que vous n'avez pas emporté n'est pas venu là tout seul. Donc ? » Robert se souvint des divers incidents qui précédèrent leur départ pour cette expédition de cambriolage, les craquements singuliers dans le corridor. Il se souvint aussi des soupçons de Raymond concernant leur valet de chambre Marcelin, dont la présence dans l'appartement lui semblait en effet parfois singulière. Mais comme le disait Paulin Branquet, il ne fallait jamais marcher sur de simples hypothèses, et en ce cas, il ne pouvait émettre que des soupçons, des suppositions, sans rien prouver. Donc, il garda le silence. Il quitta la villa du détective, rentra dans Paris, se fit conduire avenue de Clichy. Puis, après sa visite à sa malade, le docteur Robert descendait rue des Mathurins et gagnait l'appartement commun. Il attendait Raoul qui, lui, sans se douter de tous ces événements, était allé comme tous les soirs aux environs de l'impasse Ganneron, guetter Riri, et repaître son cœur amoureux de la blonde beauté de l'aimé. Quand l'avocat parut, le docteur lui dit « Mon bon Raoul, nous allons vite rentrer à la maison. Puis après dîner, quand mère se retirera chez elle, nous nous arrangerons pour sortir sans être vus. » Mais si Raymond nous voit filer à l'anglaise, nous lui donnerons un prétexte quelconque. Si elle nous questionne, ce qui n'est d'ailleurs pas devant ses habitudes, bon, où irons-nous? Dans la maison secrète de Paulin Branquet, au fond de Neuilly. Ça va, mais pourquoi? Qu'y a-t-il encore? Robert raconta à son frère ce qu'il savait de l'aventure de la nuit précédente. Paulin Branquet, lui dit-il, a tenté un coup des plus hardis, que je trouve même un peu trop imprudent contre Zigomard. Il ne lâchera pas, il l'accrochera. Je le souhaite, mais cette fois encore, Zigomard s'est bien défendu. Notre héroïque ami est fortement blessé. » Robert ajouta, « Mais, recommandation express, pas un mot de cette visite nocturne à la maison, même dans notre chambre fermée à double tour. Je me doute. Oui, les murs chez nous ont des oreilles. Quant à nous, officiellement, nous n'avons plus aucun rapport avec Paulin Branquet. Nous le croyons, comme tout le monde, absent ou mort. Bref, nous l'ignorons tout à fait. Entendu. » Paulin Branquet, pour qui rester au lit tournait au supplice, s'était à demi levé. La morse et Gabriel l'avaient assis, en lui mettant dans le dos une montagne d'oreillers. Par une combinaison ingénieuse d'assemblage de coussins de chaque côté sur les bords du lit, on avait formé une façon d'accoudoir sur lesquels le blessé pouvait allonger ses malheureux bras sans en sentir le poids douloureux. La fièvre de Paulin Branquet était tombée, et il avait demandé à manger ce qui était, déclara le docteur Robert, d'excellent augure. Gabriel et la mort s'étaient ingéniés à le faire manger comme les nourrices font à leurs babies. Et maintenant, le détective, la tête renversée sur ses oreillers, commençait à digérer béatement, tout en tenant entre les dents un de ses meilleurs cigares. Il fut très heureux de voir Raoul accompagner son frère. C'est lui qui, dès le premier moment, avait réclamé les soins du docteur Robert et indiqué le moyen de le faire venir jusqu'à lui. Il voulait ne pas perdre de vue les deux frères, engagés comme lui dans la solution d'un étrange problème qui mettait en jeu l'honneur de famille des uns et l'honneur professionnel de l'autre. En souriant donc, et s'excusant de ne pas tirer son cigare des dents pour les recevoir correctement, Paulin Broquet fit aux deux frères le plus cordial accueil. De leur côté, ceux-ci lui témoignèrent leur sympathie sincère. Autour du détective, chacun prit place sur des chaises, dans les fauteuils, à son gré, et alluma qui sa cigarette, qui un cigare. Une sorte de colosse, Grimaud, un agent précieux de la brigade, avec des mains comme des marteaux pilons, un cou de taureau, des épaules à soulever une maison, une mâchoire de bulldog, mais des yeux clairs et bons de Terre-Neuve, faisait le service de valet de chambre, secondait son camarade Simon. Grimaud n'était pas intelligent comme l'ancien clown, ou fin comme l'amorce, ni ingénieux autant que Gabriel, mais il avait cette qualité de savoir obéir et d'exécuter à la lettre ce qu'on lui commandait. Oh, on ne le chargeait pas d'une mission délicate, mais dès qu'il fallait remplir le rôle de fardier ou de catapulte, on l'appelait. C'est lui qui, dans ses bras, comme on fait d'un enfant, avait, au moment de l'explosion de l'atelier, emporté dans l'escalier jusqu'au dehors son chef blessé et ne pouvant se tenir. C'est lui qui, ici, le soulevait, le changeait de place. Il l'enlevait doucement au bout de ses bras énormes, le reposait sans secousse. Il n'aurait pas fallu s'aviser de vouloir pénétrer dans la maison. Grimaud, pour la défendre, arrêter le curieux, n'avait qu'à laisser tomber sa main sur la tête de l'audacieux. Il aurait ou enfoncé le malheureux dans la terre comme un pieu dans le sable, ou l'aurait écrasé comme si une pierre de taille lui était tombée sur le crâne. Clafou, dont la force musculaire était célèbre, prétendait n'être qu'un gamin à côté de Grimaud. Mais jamais, comme tous les forts, Grimaud n'usait mal à propos de sa force. Il était la bonté même, la douceur, et touchait au genre humain, selon l'expression de Paulin Broquet, comme une crémière quand elle prend un œuf. Mais il fallait à Grimaud quelqu'un pour le conduire. Ce quelqu'un était son ami Simon. Ils s'étaient connus au cirque, l'un était clown, l'autre Hercule, et faisaient un numéro de force. Puis, Simon étant entré au service de Paulin Broquet, naturellement Grimaud le suivit dans sa broqueterie. Sa taille colossale ne lui permettait pas de passer inaperçu, et Paulin Broquet ne pouvait l'employer que difficilement quand il fallait agir en secret. C'est ainsi que le soir de l'expédition chez Ulma, il ne vint rejoindre les Broquets que tard dans la nuit, quand Simon, ayant fini la mission de surveillance dont le chef l'avait chargé auprès du comte de la Guérinière, crut devoir apporter son concours et celui de son colossal camarade à la brigade. Paulin Broquet portait les yeux tour à tour sur les personnes qui se trouvaient dans la chambre et semblait heureux de se voir ainsi entouré d'affectueux dévouement, de sincères et cordiales sympathies. « Mon frère, lui dit Raoul, m'a appris l'événement. Permettez-moi de vous dire que je ne comprends pas du tout que vous, si malin, après avoir échappé à la barbotière, vous soyez de nouveau allé vous jeter dans la gueule du loup. « Il le fallait, » répondit le détective tout en mâchonnant son cigare. « Mais le cas n'était pas le même. Je ne faisais que précéder mes hommes et préparer l'attaque. Je dois avouer que Zigomard a été plus malin que moi. Il faut qu'il le soit joliment alors. Oui, l'homme de garde dans le bureau, le veilleur, était un homme à lui. Et je n'ai pas pensé à pousser un peu la petite porte de l'escalier après avoir tourné la clé. J'ai été pincé comme vous l'avez été, vous et le docteur chez le notaire Béjanet, par le sac et le chloroforme, le sac sans l'anesthésiant. Alors ce serait bien le... Attendez, j'étais ficelé de main de maître, je m'y connais. Je pouvais me rendre compte que c'était un joli travail de ligature. Puis, on m'a mis en présence du tribunal de Zigomard. Les tables noires, les cagoules immobiles, tout y était comme à la barbotière. Zigomard avait ses galons d'or et le fameux aide rouge flamboyait. Attaché, lié, bâillonné, dans l'impossibilité de bouger, d'appeler, de donner le moindre signal à mes hommes, qui n'étaient qu'à quelques pas de moi, je me sentis à peu près perdu. Autant qu'on peut se croire perdu quand on a tout son courage, toute sa présence d'esprit, et toute sa volonté de lutter jusqu'au bout par tous les moyens possibles. Ah, c'est bien du Paulin Broquès, là. Je m'étais fait une tête qui, sans changer tout à fait ma physionomie, la modifiait suffisamment pour donner le change à la première vue et faire hésiter à l'examen. J'avais fait cela sans postiche, sans fard, en me contentant de modifier ma coiffure et mon expression de visage, mes sourcils et les plis de ma bouche. C'était moi, mais sans être moi. Je ne pouvais plus compter que là-dessus pour me sauver. Faible chance. Très faible en effet, mais chance tout de même. Je me dis que puisque je me trouvais devant un tribunal de théâtre, de drame, je devais moi aussi jouer la comédie. Alors j'ai imaginé de ressembler encore moins, le moins possible, au Paulin Broquès que l'on connaissait, que ces mêmes gens avaient vu dans une circonstance à peu près pareille. Et j'ai joué le rôle d'un peureux, d'un lâche, d'un pleutre. Ceux qui écoutaient Paulin Broquès sourirent à ces mots. « Vous ? » s'écrièrent-ils. « Vous, Paulin Broquès, un pleutre, un lâche, qui pouvait l'admettre ?»« Évidemment, cela ne vous ressemblait pas. » J'ai donné le lamentable spectacle d'un homme affolé, prêt à toutes les vilainies pour se tirer d'affaire. Zygomar et ses assesseurs en demeurèrent frappés. Mon attitude les plongea dans la stupéfaction. Je m'en rendais parfaitement compte. Ils s'attendaient à une réédition de la scène de la barbotière. La scène fut tellement différente qu'ils hésitèrent et que leur plan fut changé. Je pleurais, je criais grâce, j'implorais la pitié. J'étais une loque qui tremblait, qui mourait de peur. Cependant, Zygomar n'est pas un sot. Il voulait savoir si réellement je jouais un rôle, si je n'étais pas Paulin Broquès, ou si j'étais, comme je l'affirmais réellement, un de mes agents, dont la spécialité était de me ressembler et de jouer les Paulin Broquès quand le véritable opérait ailleurs. Alors Zygomar me tortura, le misérable. Il me fit donner quelques tours de garrotte, dont les cordes, docteur, vous l'avez vu, m'entraient peu à peu dans les chairs tout en me tordant les membres. Ce dut être un supplice affreux. Oui, dit simplement Paulin Broquès. Oui, très douloureux. Je sentais mes chairs taillader, et j'avais la conscience qu'avec un tour de roue de plus, on allait briser les os de mes avant-bras. Et vous avez continué de jouer votre rôle? Oui, j'ai continué à être un faux Paulin Broquès, à l'affirmer et à le prouver. Les auditeurs tressaillirent. Ah, vous êtes admirable, merveilleux, s'écrièrent-ils. Ce que vous avez fait est héroïque. Attendez. Zygomar voulait savoir si j'avais échappé à la barbotière. Sous la roue, j'ai déclaré que non. Zygomar voulait savoir si James Twill était Paulin Broquès. Sous la roue encore, j'ai affirmé que non. Pouvait-on douter maintenant d'un homme affirmant cela dans les souffrances que j'endurais? Zygomar finit par croire que ce n'était pas le vrai Paulin Broquès qu'il tenait. Alors, en me faisant appliquer la roue à nouveau, il m'a fait me trahir moi-même. Il m'a demandé divers renseignements que je lui ai donnés d'autant plus volontiers qu'il les connaissait. Il m'a demandé le signal pour appeler mes hommes. Je le lui ai donné parce que ce signal, s'il le faisait, mes hommes envahiraient aussitôt la maison et me délivreraient. Et parce que demain nous changerons ce signal. « Ah, c'est très bien, chef, » dit Gabriel. Mais Zygomar, alors, conservant peut-être un doute malgré mes affirmations certifiées par ma souffrance, me fit lier à un banc. On me passa un nœud coulant au cou. La corde attachée au plafond était de longueur juste. Au moindre mouvement, je me serais pendu moi-même. De plus, il me fallait placer sur la poitrine, avec des cordes, une cartouche de dynamite. Les misérables! Une cartouche avec une mèche, qui devait durer 5 minutes. C'est odieux de martyriser ainsi un homme. Enfin, on me mit un bâillon à la bouche. Et après un dernier discours, Zygomar, ses hommes, mes bourreaux, tous les aides, disparurent en éteignant les lampes. J'étais dans l'obscurité absolue, attaché solidement à un banc, risquant, au moindre mouvement, pour chercher à fuir, de me pendre, et voyant un point rouge à terre qui venait sur moi et qui, dans 5 minutes, allait me faire sauter. Paulin Broquès disait cela sur un ton très calme, tout en fumant son cigare. Les auditeurs, par contre, frissonnaient d'épouvante. Paulin Broquès raconta ensuite, comme la chose la plus simple du monde, la façon dont il s'était pris pour se retourner avec son banc, pour arriver à poser le pied sur le point de feu, et comment il avait pu approcher de la fenêtre. À ce moment, dit-il, il devait s'être écoulé 6 à 7 minutes, pas beaucoup plus, depuis que Zygomar m'avait abandonné à mon pénible sort. À ce moment, dis-je, j'entendus retentir le coup de sifflet en piouit. Gabriel et la mort sursautèrent. Comment, chef? Ce n'est pas vous qui avez sifflé? Non, mes amis. Qui est-ce alors? Zygomar, sans aucun doute. Oh, Zygomar, mais oui. Comment aurait-il pu siffler en donnant notre signal? C'est moi qui lui en ai livré le secret. Vous? Puisque je trahissais pour la Broquet sous la torture du Garrote. Oh, chef! Mais, donnant le signal, je ne me contentais pas seulement de trahir pour la Broquet, je préparais le seul moyen de le sauver. En effet, mes chers amis, je supposais bien que Zygomar ne m'avait pas attaché cette cartouche de dynamite sur l'estomac dans le seul but de me tuer. Cependant, un coup de poignard est bien plus sûr et autrement commode. Mais Zygomar, sachant, par ma trahison encore, que les Broquets devaient à ce signal envahir la maison des époux Mélidon, et en premier grimper au grenier et pénétrer dans le temple de Zygomar, il comptait que vous arriveriez à moi au moment de l'explosion et que du coup il ferait plusieurs victimes. Le misérable, murmura le docteur Robert, comme son cerveau est organisé pour le mal. Oui, mais son stratagème n'aurait pas obtenu les terribles résultats qu'il espérait. La dynamite, en vérité, est un explosif très puissant, mais dont l'effet ne se produit pas comme celui de la poudre, en volume, en rond, pour ainsi dire. Il va de bas en haut, avec une force extrême, mais dans un rayon en somme assez restreint. Donc, le pire qui pouvait vous arriver en pénétrant dans l'atelier du photographe Grandel, c'était de recevoir sur la tête quelques tuiles et des gravats tombant du toit. Quant à moi, j'aurais été admirablement coupé en deux. Il y eut un moment de pénible silence. On souffrait les minutes d'angoisse qu'avait endurées cet homme courageux qui racontait ce trait d'héroïsme simplement, en souriant.